On est dans une série, on est rendu au quatrième chapitre de l'Évangile de Marc et aujourd'hui on se tourne vers le passage de Marc 4, versets 1 à 25, où Jésus va utiliser deux paraboles pour illustrer la manière dont les hommes reçoivent et répondent à la parole de Dieu. Ce matin, on va voir que la parole de Dieu est destinée à un type de public bien particulier, destinée à ceux qui sont disposés de cœur à la recevoir par la foi. Donc, la parole de Dieu, elle interpelle, elle convainc les hommes qui sont destinés à répondre à l'appel de Christ. Et, comme le dit Jésus lui-même, elle s'adresse à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ce n'est pas une petite formule jolie, anodine, elle a tout son sens dans le passage qu'on va étudier ce matin. Alors, tout comme la bonne terre, elle est propice aux bonnes récoltes, aux récoltes abondantes, c'est la même chose pour les enfants de Dieu quand ils reçoivent la semence de Christ. Et cette semence-là, elle produit vraiment la croissance. Elle produit une production abondante, de fruits pour l'éternité. Donc, les paraboles qui sont données dans Marc 4, 1 à 25, il y en a deux. Et on va voir qu'il y en a une en réalité, là, mais on va y revenir. Donc, ces deux paraboles-là montrent clairement que ce ne sont pas tous les hommes qui sont sauvés. Loin de là. Et quand je dis les hommes, je dis les hommes, les femmes, tous les êtres humains qui peuplent cette terre. En vérité, les seuls qui reçoivent la vie qui est contenue dans cette semence-là, ce sont les croyants en Jésus-Christ. Parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu. Et nous tous, dans la salle, s'identifions comme étant des croyants qui avons l'assurance de notre salut en Jésus-Christ, là, et qui nous identifions comme tels, bien, on ne peut que reconnaître la valeur de ce miracle qui est accompli dans nos vies. Un miracle qui est accompli tout d'abord dans nos cœurs et pour notre plus grand bénéfice. Parce qu'on est des miraculés, et je vais insister là-dessus ce matin, nous sommes des miraculés. L'étude des deux paraboles qui sont au programme dans Marc 4, donc l'étude de ces deux paraboles-là va nous montrer comment le salut par la grâce est mis de l'avant et pourquoi on doit être reconnaissant, nous les croyants, nous devons être reconnaissants pour cette semence salvatrice, cette semence qui sauve. Donc, je vous invite à tourner dans Marc 4, à partir du verset 1. Je vais le lire avec vous. Et si vous êtes capable de déchiffrer en avant, en attendant notre super duper nouveau projecteur, ça va venir un jour. Vous n'aurez plus besoin de lunettes, je vous l'assure. Donc, je vous invite à tourner dans Marc 4. J'y vais. Donc, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. » Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? » Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et porte du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Il leur dit encore, « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur dit encore, « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Le passage qu'on vient de lire, ça nous relate, on l'a aperçu, deux paraboles qui se suivent coup sur coup. On les réunit souvent en une seule, parce que toutes les deux traitent du même sujet. L'un étant le corps, l'autre l'exposé. Et ces paraboles-là sont répliquées aussi dans les autres évangiles synoptiques, dont Matthieu et Luc. Les passages parallèles sont étant Matthieu 13 et Luc 8. On les qualifie fréquemment de paraboles du semeur, mais c'est une qualification qu'on pourrait dire impropre. Pourquoi? Parce que le sens de ces paraboles-là ne concerne pas vraiment le semeur en tant que tel, mais concerne plutôt la semence et concerne la terre. Donc, au début du chapitre 14, on remarque que Jésus a quitté la maison dans laquelle il se tient habituellement à Capernaum. Et là, il y a une grande foule qui s'assemble autour de lui. De nouveau. Ben, c'est pas la première fois. Et cette foule-là est tellement dense que Jésus s'éloigne du rivage afin de leur parler plus aisément. Pour ça, il monte dans une barque. Et on remarque qu'à cette étape-ci, dans le livre de Marc, le ton de Jésus, le langage de Jésus change. Pourquoi? À cause de ses ennemis. Ses ennemis ont déjà décrété son rejet. Et le langage de Jésus va s'adapter à ce rejet-là. C'est ainsi que son discours, à partir du chapitre 4, va devenir énigmatique, afin de ne pouvoir être compris que par la foi et par tous ceux qui recherchent vraiment sa communion. Pour les autres qui le rejettent, le langage de Jésus va devenir incompréhensible. Et pour ce faire, Jésus va s'exprimer à l'aide de ce qu'on appelle des paraboles. Et le mot « parabole » vient d'ailleurs du grec « parabolé ». Ça signifie juxtaposition, comparaison. En fait, une parabole, c'est une analogie. Une allégorie, pardon, pas une analogie, une allégorie. C'est une figure de style. Et le mot parabole, on l'emploie souvent dans les textes bibliques, spécifiquement. Mais toute parabole est une allégorie. Donc, une allégorie, c'est un récit qui renferme un enseignement qui se rattache à une réalité abstraite ou une vérité importante. C'est une courte histoire qui utilise des événements de la vie courante, des événements de la vie quotidienne que les gens peuvent facilement identifier. Et cette histoire-là sert à démontrer une doctrine ou une vérité d'un autre ordre. Et cette relation-là entre l'histoire et la vérité, elle n'est pas toujours facile à établir, ce lien-là. C'est pas toujours facile. En ce qui concerne Jésus, ces paraboles concernent le plus souvent la nature et l'histoire du royaume de Dieu. À peu près toutes les paraboles de Jésus concernent le royaume de Dieu. Et les paraboles qui sont relatées dans Marc 4 n'y échappent pas. Une autre chose qui est importante de souligner, ce sont là les premières paraboles qui sont rapportées dans les évangiles. C'est la première fois que Jésus s'exprime ici en parabole. C'est la même chose dans les passages parallèles de Matthieu 13 et Luc 8. Donc, ces paraboles-là ont un sens fondamental qui est applicable à toute la doctrine biblique au complet. Pourquoi? Parce qu'elles évoquent fortement tout ce qui concerne la grâce et le miracle du salut par la foi. Donc, ce n'est pas juste une vérité qui est limitée à Marc 4. Ça s'applique à toute l'histoire du salut, donc à la Bible au complet. Et je vais, avec vous, passer à travers quelques points, 7 au total. 7 qui vont nous révéler un peu comment la grâce de Dieu, elle se manifeste dans la vie des croyants en Jésus-Christ, selon les paraboles qui nous sont données dans Marc 4. La grâce de Dieu. Premier point. La semence est un symbole de la parole de Dieu. Et cette comparaison-là est assez évidente dans le texte qu'on lit. Hein? La parole de Dieu est comparée à des semences que l'on jette sur différents types de sols, 4 terrains au total. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué en lisant, il y en a 4. Certains sols sont stériles, hein, ne permettent pas à la semence de pousser, tandis que d'autres sont propices à la croissance. Un seul, en fait, est propice à la croissance. Et ces différents types de sols, ça symbolise les cœurs des personnes qui reçoivent cette parole, qui reçoivent cette semence. Et il y a différents états de cœur qui sont manifestés. Ce qui est important de retenir, c'est que la grâce se manifeste seulement quand il y a une rencontre, lorsque la parole trouve un terrain fertile. Et ce terrain fertile-là, c'est celui d'un cœur qui est préparé. Un cœur qui est réceptif, autrement dit. Et cette rencontre-là ne se limite pas à une rencontre du troisième type, ça permet vraiment de produire des fruits. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe suite à cette rencontre de la bonne terre et de la semence. Donc ça, c'est mon premier point. La semence, c'est la parole de Dieu. Jésus lui-même est la parole. Jésus, c'est la parole agissante. C'est la parole qui transforme tous ceux qui croient en lui. Et Jésus lui-même, en personne, non seulement il est Dieu, mais il est aussi la parole personnifiée, comme nous le rapporte Jean 1, versets 9 à 13. Je vais le citer. La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde et Dieu a fait le monde par elle, mais le monde ne l'a pas reconnue. Je lis dans la version Parole vivante ici, spécifiquement, parce que je la trouve plus... Disons, je trouve qu'elle donne un autre sens, plus facile à comprendre. La parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. À ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu. En naissant non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. Il y a différentes réactions à la parole. Et le fait que la semence tombe dans différents types de sols, le chemin, les pierres, les épines et la bonne terre, ça souligne la diversité des réponses humaines à l'Évangile. Et tous les hommes ne répondent pas de la même manière à la semence, à l'appel de la parole. Commençons par la première terre. Ceux qui entendent la parole mais qui ne la comprennent pas sont représentés par le sol qui est en bordure de chemin. Donc, ils sont facilement influencés par le diable et ils perdent par conséquent la semence qui se trouve en eux. Deuxième type de sol, hein, ceux qui accueillent la parole avec joie, mais qui n'ont pas de racines profondes, ben, ils sont comparés au sol rocheux. Donc, ils abandonnent rapidement, aussitôt que les épreuves se pointent le bout du nez, aussitôt que les épreuves se manifestent, puisque la parole n'a eu aucun effet en eux. Ils ont peut-être été saisis par un sentiment profond, mais leur conscience n'a pas été renouvelée. Leur conscience n'a pas été touchée. Leur conscience n'a jamais été réveillée. Et la vie va reprendre son cours et tout va s'évanouir. La semence disparaît. En troisième lieu, ceux qui sont étouffés par les soucis du monde et la séduction des richesses, c'est symbolisé par les épines. Ces gens-là ne portent pas de fruits spirituels. Et quand on ne porte pas de fruits spirituels, ça signifie qu'on est spirituellement inerte, mort. Donc, ils n'ont pas été renouvelés, eux autres non plus, par l'esprit. Mais il y a ceux qui reçoivent la parole de Dieu avec un cœur ouvert et sincère. Et ceux-là sont représentés par la bonne terre. Ceux-là, ils entendent, ceux-là, ils comprennent, ceux-là, ils acceptent la parole. Et comme résultat visible, ils produisent du fruit en abondance. Et ces personnes-là sont celles qui sont vraiment sauvées. Pourquoi? Parce qu'ils ont, ces personnes-là, elles ont reçu la parole de Dieu. Et dans leur cœur a été renouvelé. Et leur cœur étant renouvelé, cette semence-là a pu croître et a pu fructifier. Chose importante aussi, la grâce de Dieu, elle est visible en ceci qu'elle est offerte à tous. C'est pour ça qu'elle est jetée sur quatre types de sol et non seulement dans la bonne terre. Donc, peu importe la condition initiale du cœur, la semence est offerte à tous. Elle est jetée à tous. Et chaque personne a la possibilité de faire l'expérience de cette grâce-là. Donc, autrement dit, le salut par la grâce est offert à tous. Mais chacun doit choisir s'il veut accueillir ou non cette grâce dans sa vie. Et pour accueillir cette grâce-là, il faut un cœur préparé, je l'ai dit tout à l'heure. Passons au prochain point. Le miracle de la croissance. C'est bien beau semer une graine en terre, mais il faut qu'il se produise quelque chose d'extraordinaire. Il faut que cette graine-là rencontre les éléments nutritifs du sol et produise une pousse qui va grandir grâce à différents éléments, mais par l'action du semeur, cette pousse-là va grandir, va croître et éventuellement va porter du fruit. Ce n'est pas quelque chose qui s'effectue tout seul. Regardez autour de nous, dans la nature, il y a toutes sortes de plantes sauvages qui poussent autour de nous. On ne les arrose pas, on n'en prend pas soin. Souvent, on cherche à s'en débarrasser quand c'est sur nos pelouses et pourtant, elles poussent. Quelqu'un les fait pousser, ces plantes-là. Et ça, c'est l'action propre au Seigneur. Le verset 8 mentionne que la semence qui tombe dans la bonne terre produit une récolte abondante. Quand on dit 30, 60, 100 pour un, on parle ici d'un grain de semence qui rapporte en retour 30 grains, 60 grains, 100 grains. On parle des épis de blé ici. Donc, on parle de quelque chose qui est abondant. C'est pas juste un rendement 1 pour 1. Et ce processus de production et de croissance, c'est vraiment un miracle en soi. Ça témoigne de la capacité transformante de la grâce de Dieu dans la vie des croyants. C'est un mécanisme que seul Dieu maîtrise. c'est pas nous qui maîtrisons ça, les hommes. C'est pas nous qui avons le pouvoir de faire croître les plantes. Et c'est pas nous qui avons le pouvoir de faire croître le fruit que nous portons. C'est vraiment la semence de la parole qui porte cette vie-là en soi et qui donne toutes les conditions possibles pour qu'elle s'épanouisse. Et la vie va s'épanouir dans la vie du croyant à cause de la grâce divine. Jésus est la parole, la vérité, la vie. L'appel à l'écoute et à la compréhension. Ça, Jésus le souligne. Je pense qu'il le souligne même deux fois. Jésus souligne l'importance d'écouter et de comprendre sa parole. Et la capacité de saisir en profondeur, pas juste superficiellement, en profondeur le message de Jésus, d'y réagir fortement, c'est-à-dire favorablement. Hein? Donc, cette capacité-là de réagir favorablement à la parole, c'est aussi une manifestation de la grâce divine. Ah, il y avait un petit doute. Merci. Donc, la capacité d'écouter, la capacité de comprendre, c'est une manifestation de la grâce. Parce que ça nécessite quoi pour écouter et pour comprendre? Ça nécessite une ouverture de cœur, ça nécessite une réponse de notre part. Cette réponse-là, elle est provoquée par Dieu. Par exemple, Christ va encourager ses disciples à prêter attention à sa parole et à la laisser grandir en eux. Hein? Nous le voyons par exemple au verset 9. Entre l'exposé de la première parabole et son explication ensuite, Jésus va s'exprimer par une exclamation que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ou qu'il entende. En fait, ces mots-là sont pour tous ceux qui entendent sa parole et qui, par la grâce, sont rendus capables de la comprendre. Et par conséquent, de recevoir son enseignement. Parce que ce n'est pas tout d'écouter, il faut pouvoir recevoir quelque chose. Donc, ça met vraiment en évidence le fait que le salut, par la grâce, ça nécessite une réponse de notre part, ça nécessite une ouverture, ça nécessite une réceptivité à la parole de Dieu. Une réceptivité du croyant. L'incroyant n'a pas de réceptivité. Sa seule réceptivité, c'est de rejeter la parole de Dieu. La révélation, elle est progressive. Dieu ne donne pas tout d'un coup. Et la manière dont Jésus explique la signification de la parabole à ses disciples, c'en est un bon exemple. Ça illustre l'idée que la compréhension spirituelle, c'est un processus qui nécessite l'intervention et la lumière divine. Ça souligne également que c'est par la grâce qu'on peut comprendre, qu'il nous est donné de comprendre le sens profond, la vérité spirituelle qui se trouve derrière l'enseignement de Jésus. Et cette vérité spirituelle-là porte ensuite du fruit dans nos vies si on le reçoit. Parce que c'est par la foi qu'on reçoit le salut en Jésus-Christ. Et c'est aussi par la foi qu'on appréhende, c'est-à-dire qu'on peut approcher les mystères que Dieu révèle seulement à ses enfants. Tout de suite après la première parabole, les disciples désirent connaître et désirent recevoir une explication des paraboles. Et c'est naturel ce désir-là de leur part. C'est également notre désir d'en apprendre plus sur les mystères, au sujet de sa parole. On a aussi cet élan-là. Les enfants désirent connaître les choses de leur père. Et Dieu aime quand ses enfants le recherchent. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que quand il s'adresse à ses enfants, le Seigneur Jésus est limpide. Il est clair. Et il accepte d'enseigner ses enfants, il accepte d'enseigner ses disciples, ainsi que tous ceux qui veulent bien ouvrir leurs oreilles. Pour ça, Jésus est intarissable. Il est toujours disponible. Et c'est cette même réalité-là qui fait en sorte que les mystères du royaume de Dieu sont mis à la portée de la foi. Ils sont mis à la portée de celui qui croit, mais pour ceux qui ne croient pas, Hein? Les mystères de Dieu ne sont pas livrés aux questions des incrédules et des vains discoureurs. Le sens pour eux en est caché. Et Jésus le souligne lui-même dans Matthieu 11, 25. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Les enfants qui me cherchent. Donc, devant les cœurs fermés et hostiles, la parole de Dieu, elle est volontairement rendue incompréhensible. Et cette réalité-là, Jésus va le confirmer au verset 11 et 12 du chapitre 4. « Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. » Donc, le sens est énigmatique. « Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. » et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. En passant ici, Jésus cite le prophète Ésaïe. Ésaïe 6, 9, 10. Il le fait explicitement pour condamner le rejet de son témoignage par les chefs des Juifs. Et cette citation-là, c'est vraiment un jugement qui est prononcé pour condamner leur incrédulité et la confirmer en même temps. Finalement, nous avons la foi plutôt que la loi. Les deux paraboles qui sont relatées dans Marc 4, ça marque le changement que Dieu est en train de mettre en place à travers le ministère de son Fils Jésus-Christ qui est envoyé parmi les hommes. Parce qu'auparavant, la loi avait pour but de montrer aux hommes qu'ils sont incapables, qu'il est impossible de produire du fruit pour Dieu par les œuvres de la chair. C'est impossible pour les hommes pécheurs d'être trouvés parfaits, justes devant Dieu. Par leur seul mérite. C'est impossible pour les hommes pécheurs de faire ça. Donc, la loi avait pour but de montrer cette réalité-là. Vous ne pouvez pas vous en sortir par vous-même. La loi avait pour but qu'il est impossible aux hommes de satisfaire toutes les exigences qui se trouvent dans les commandements qui ont été donnés à Moïse, par Dieu à Moïse. Mais grâce à Christ, Dieu va donner maintenant un moyen de salut à l'humanité. Afin de faire quoi? Afin que cette humanité-là, pécheresse, puisse produire enfin du fruit devant Dieu, un fruit qui lui est agréable, un fruit qui est recevable. Donc, au lieu de réclamer le bien que notre mauvais cœur souillé ne pourrait produire de lui-même, Dieu sème premièrement sa parole. Et cette parole, si elle est reçue par la foi, elle transforme l'être humain qui est impur. Cette transformation-là lui confère une nouvelle nature. Une nature qui est apte à produire enfin du fruit. Un fruit que Dieu peut recevoir. Et la grâce de Dieu par le salut en Jésus-Christ, elle fait plus que ça. Elle réconcilie enfin l'homme, l'être humain, avec son Créateur et le préserve pour l'éternité. Elle le préserve surtout du jugement de l'enfer. Ça, c'est le principal changement qu'on remarque dans les paraboles de Marc 4. Dieu donne un moyen de salut à l'humanité en Jésus-Christ, par sa grâce. C'est chaud, j'achève. Donc, j'arrive à ma conclusion, en fait, rassurez-vous. Si on a quelque chose à retenir de Marc 4, 1 à 25, c'est vraiment, il faut, en tant que croyant, reconnaître ce miracle-là qui est effectué de la part du semeur, à travers la parole de Christ, qui est semée dans le cœur de ceux qui veulent bien la recevoir. Donc, on est vraiment invité à reconnaître cette transformation-là, à reconnaître le travail transformateur que la parole peut accomplir en nous. Celui qui reçoit la bonne semence dans la bonne terre, grâce au salut en Jésus-Christ, bien, cette rencontre-là entre la semence et la bonne terre qui s'implante, ça produit la vie. Et à son tour, la vie permet de produire la croissance. Et cette transformation-là, ce n'est pas nous qui l'effectuons, c'est vraiment l'œuvre de Christ. Et ce point-là est important. Les paraboles de Marc 4 mettent vraiment en lumière le travail qui est effectué par Christ dans nos cœurs. C'est lui qui sème sa parole et c'est lui qui la fait fructifier. Donc, produire du fruit, c'est vraiment une manifestation effective qu'on a été transformé, que le croyant a été transformé par le renouvellement de la grâce. Et le fruit de l'Esprit, qui est décrit dans Galates 5, 22, 23, c'est l'une de ces manifestations. Bien sûr, chaque croyant porte du fruit différemment. Et je vous donne quelques exemples. Chaque croyant reçoit des dons et des talents uniques, hein, de la part de Dieu. Des talents spirituels, émotionnels, pratiques. Bref, on ne produit pas du fruit de la même façon. Le type de sol dans lequel la semence tombe, ça évoque aussi le contexte dans lequel les croyants évoluent. Hein, on a des expériences de vie différentes. On a des contextes familiaux, des contextes professionnels différents. Nous avons des situations politiques qui sont différentes. On fait face chacun à des défis qui sont différents. Les situations d'une église à l'autre changent également. On n'a pas tous non plus la même maturité spirituelle. On n'est pas tous au même niveau dans cette partie-là. Et ça affecte aussi le niveau de maturité, la manière ou l'abondance avec laquelle on produit du fruit. Tout cela, on doit se le rappeler constamment. Parce que le salut par la grâce, c'est un don gratuit de Dieu. On ne peut pas le mériter par nos propres efforts et on peut être la meilleure terre du monde, la plus noire, la plus grasse, la plus remplie de minéraux. Sans semences, cette terre-là ne vaut rien. Parce que sans semences, la terre ne peut pas porter du fruit en elle-même. Donc, c'est par la grâce, vraiment, de l'Esprit-Saint dans nos vies qu'on peut croître et porter du fruit. Et tout honneur et louange à ce chapitre-là, comme pour tout le reste, ça revient à Dieu. Il travaille en chacun de nous pour produire du fruit à la gloire de son nom. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des miraculés, et je le redis encore, nous sommes des miraculés, et c'est vraiment ce que je veux qu'on retienne ce matin. Nous sommes des miraculés. Faut le reconnaître. Nous sommes les bénéficiaires d'une grâce extraordinaire. Jésus l'affirme dans Jean 5, 24, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé ne vient point en jugement, à la vie éternelle, pardon, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » En fait, on pourrait s'exclamer et dire, « Ah, si on était tous comme ces quatrièmes terrains, ces bonnes terres, celui qui reçoit la semence et qui bénéficie du miracle opéré par Christ, par sa grâce. » Oui, c'est légitime de penser ainsi, d'avoir ce désir-là. Parce que Dieu lui-même envoie sa semence à toute l'humanité pour que toute l'humanité le reçoive, mais ce n'est pas ce qui se passe. Par contre, quand on parle juste de nous, est-ce qu'on est seulement reconnaissant de ce que Dieu a effectué pour nous par son Fils Jésus-Christ? Sommes-nous seulement conscients, reconnaissants à tous les jours que Dieu fait pour cette grâce-là qui nous a été donnée? Écouter sa parole, c'est déjà une manière d'exprimer notre gratitude envers lui. Et soyons également conscients de notre responsabilité en tant que témoins. L'Évangile a pénétré le cœur du croyant, et ce cœur-là devient une lumière. Et ça fait ainsi du croyant une lampe qu'il ne faut surtout pas dissimuler. C'est le sens des versets 21 et 22. Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau? Il y a donc vraiment une responsabilité pour le racheter, pour celui qui a été racheté par le Seigneur, d'être un témoin digne de lui dans la proclamation de la parole. Et nul besoin de grimper en haut d'une montagne et de prêcher dans une barque comme Jésus. Il suffit juste d'écouter la parole de Dieu et d'être un témoin fidèle dans notre vie de tous les jours. Conscient que nous sommes un témoin de sa parole, nous sommes le témoin de Jésus-Christ lui-même. Dans toutes nos interactions, dans notre manière d'agir, dans les choix qu'on fait dans notre vie, soyons-en conscients. Seulement. Malheureusement, tous les hommes ne bénéficient pas de la grâce de Dieu. À cause de quoi? Par leur propre faute, à cause de leur refus. À cause de ça, leur terreau est stérile. Leur terre est stérile et la semence qu'ils reçoivent, elle est perdue. C'est dramatique en passant. Il leur est donné de connaître la parole de Dieu, de l'entendre, mais ils ne font rien avec elle. Et le passage qu'on a lu aujourd'hui nous rappelle que le salut n'est pas automatique pour tous. Il ne suffit pas seulement d'entendre sa parole pour être sauvé. Il ne suffit pas de se dire chrétien pour être sauvé. Il faut vraiment accueillir la parole de Dieu avec foi afin qu'elle transforme nos vies. Et j'insiste, les paraboles de Marc 4, ça nous invite à réfléchir sur notre réceptivité à la parole de Dieu. Sommes-nous réceptifs? Sommes-nous disposés à la recevoir? Sommes-nous disposés à écouter et à croire ce que Dieu nous dit? Parce qu'on est exhorté à ne pas rejeter le message de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et cet avertissement-là s'adresse encore aujourd'hui à tous ceux qui n'ont pas accepté la parole de Dieu et qui n'ont pas reçu son salut. Comme nous dit Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Dieu connaît d'avance ceux qui sont appelés à devenir ses enfants. C'est écrit depuis toute éternité. Et c'est à eux spécifiquement que la parole s'adresse, puisque c'est à eux qu'il est permis de devenir enfants de Dieu, puisque c'est eux qui sont touchés par la grâce de Christ à travers sa parole. Mais l'appel est effectué à toute l'humanité. La parole de Dieu s'adresse aux croyants actuels et à ceux qui sont encore appelés à le devenir. La bonne terre ne produit rien si on n'y jette pas de la bonne semence. Et de même, le cœur qui n'a pas été renouvelé par Christ ne pourra pas porter de fruits pour Dieu. Pour ça, il faut la foi. La foi dans la parole de Christ. La foi dans le salut offert par Jésus-Christ. Sans cette transformation-là, il est impossible pour quiconque d'être agréable aux yeux de Dieu et d'échapper au jugement, malheureusement. L'incrédule, malheureusement, celui qui ne croit pas, rejette Christ, rejette sa parole. Tout comme la mauvaise terre rejette la semence. C'est pourquoi l'incrédule qui refuse de croire n'échappera pas au jugement. Il va être amené un jour devant de grands trônes blancs pour entendre une condamnation éternelle. Mais parmi nous, il n'y a pas seulement des croyants de longue date à qui c'est bien de temps en temps, non, en fait, à tous les jours, de se rappeler que nous sommes sauvés, que c'est une grâce merveilleuse qui nous a été donnée. Non, peut-être parmi ici, il y a des gens qui entendent ce que je dis pour la première fois ou qui le réalisent pour une première fois. Si vraiment tu es touché par la parole de Dieu, là, maintenant, aujourd'hui, si tu te sens appelé à te repentir et à recevoir le salut que Jésus t'offre gratuitement, ne le refuse pas. Tout ce qui t'est demandé aujourd'hui, c'est d'avoir un cœur ouvert. Même si tu n'as pas beaucoup de connaissances à propos du royaume de Dieu, même si c'est nul à ce niveau-là, ce n'est pas important. Il suffit de répondre à cet appel. C'est tout ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne refusez pas un salut comme celui qui vous est offert aujourd'hui. Au contraire, soyez prêts aussi à recevoir la semence de la parole de Dieu. Laissez votre cœur être transformé. Laissez-le être prêt à produire du fruit pour l'éternité, pour la gloire de Dieu. Donc, puissions-nous continuer de louer Dieu chaque jour pour la grâce qui nous a été donnée et laisser la parole de Dieu porter du fruit dans nos vies. Amen.